Chapitre 16e. Le mois d'août fut une série non interrompue de défaites et de malheurs. Paris changea d'attitude et de langage. L'abattement remplaça l'enthousiasme, la tristesse, la joie. Les réflexions qu'il eût été sage de faire avant la déclaration de guerre, on les fit après l'invasion. Depuis 20 ans, le pays était déshabitué de penser par lui-même, de contrôler les affirmations des gouvernants. Il s'était laissé duper et entraîner. « Nous sommes prêts. Il ne nous manque pas un bouton de guêtre », avait dit le maréchal Leboeuf. On l'avait cru. Le seul homme qui osa contester cette assertion, M. Thiers, avait été conspué au corps législatif et hué par la foule. Maintenant, il était manifeste que la France avait été trompée et jetée follement sous les pieds d'un impitoyable ennemi. Comme tous les gouvernements absolus, l'Empire était condamné au succès ou à la chute. Vaincu, il était mort. Son agonie fut prolongée par l'héroïsme de l'armée, jusqu'au jour où l'armée elle-même fut livrée tout entière dans une capitulation sans précédent. Lorsqu'on se reporte par la pensée vers cette douloureuse phase de l'histoire, on passe, sans transition ni intermédiaire, de Frochviller le 5 août à Sedan le 2 septembre. En réalité, ces 28 jours parurent un siècle à ceux qui les ont vécus. La vie civile était interrompue. Les Parisiens passaient les journées à demander et attendre des nouvelles. Ils se réunissaient en foule aux mairies où les dépêches étaient affichées. Chaque télégramme apportait une mauvaise nouvelle. Bataille perdue, investissement de forteresses, sac de ville ou de village. La France connaissait à son tour la défaite organisée. Toutes ces émotions cruelles se traduisaient à Ville d'Avray, dans la maison de Mélanie, par les grondements de colère de Bonenfant, les tristesses du docteur, les considérations politiques d'Arnold Barthes, le seul qui ne se laissa pas abattre et qui calcula les chances de l'armée française si elle était bien dirigée. Mélanie prenait sa part des angoisses patriotiques, mais les événements militaires n'absorbaient pas toutes ses pensées. Du drame général, elle détachait son drame particulier. Comme l'avait prévu le docteur, Julien lutta pendant plusieurs jours pour reprendre possession de ses facultés. Sa reconstitution intellectuelle fut le résultat d'un travail latent de la nature qui ne procède jamais par soubresaut. Mélanie n'avait pu parvenir à le comprendre. Elle s'attendait à une soudaine explosion ou de reconnaissance ou de colère. Elle ne se rendait pas compte de l'infiltration, pour ainsi dire moléculaire, des objets extérieurs dans l'esprit du patient. Un réveil subi eût été plus romanesque sans doute et plus émouvant, mais la réalité a l'avantage d'être la réalité. Donc, Julien, quand il fut parvenu au degré de vitalité marqué par la nature, s'était, depuis plusieurs jours déjà, familiarisé avec le milieu dans lequel il se trouvait. Se dégageant peu à peu des ténèbres de la mort, la mémoire lui était revenue et lui avait retracé les événements qui avaient précédé sa léthargie. Il avait reconnu Mélanie, sans s'expliquer pourquoi elle se trouvait auprès de lui. Mais comment suivre la résurrection intellectuelle? L'homme est impuissant ou la nature est souveraine. Soit préméditation, soit hasard. La première parole que Julien articula fut l'appel de son valet de chambre, à un moment où il était seul. « Joseph » murmura-t-il. Le serviteur accourut, mais l'effort qu'avait fait son maître l'avait épuisé. Joseph était intelligent. Son affection le rendit prudent. Au lieu de lui répondre, de réveiller son attention, il attendit sans rien dire. Et lorsque Mélanie revint, il se garda bien de raconter ce qu'il avait entendu. Julien rouvrit les yeux et n'essaya pas de parler de nouveau. Joseph ne quitta pas la chambre, comprenant qu'il devait être le trait d'union entre son maître et le monde inaccoutumé qui l'entourait. C'était bien un parti pris de la part du malade. Chaque fois que son domestique était seul dans la chambre, il prononçait son nom, sorte de bégaiement de l'homme qui y retrouve l'usage de la parole. Le fidèle serviteur s'ingénia pour pouvoir passer la nuit auprès de M. de Mulset. Celui-ci comprit son manège et la remercia par un véritable serrement de main en cachette. Quand ils furent seuls, « Joseph, où suis-je ? Oh, monsieur, ne vous fatiguez pas. Parle, mon ami, je puis t'écouter. » Joseph, sans quitter du regard le visage de son maître, afin de s'arrêter au moindre signe de lassitude, lui dit qu'il était dans la maison de Mademoiselle Ripert, que Mélanie avait fait preuve d'une admirable sollicitude, qu'elle l'avait veillé presque sans interruption nuit et jour. Depuis longtemps? Depuis 5 semaines. Assez, merci. et le jeune homme, qu'une attention soutenue avait fatigué, tourna la tête vers la ruelle du lit et s'endormit presque souriant. Joseph, lui, ne put fermer les yeux. Il composait une relation qu'il se proposait de faire au docteur le lendemain matin. Mais dès que le docteur fut entré, « Je ne suis donc pas mort ?» lui dit Julien, aussi gaiement que sa faiblesse le lui permettait. Le docteur fut abasourdi, ne sachant rien de ce qui s'était passé. Tous ses calculs étaient déjoués, toutes ses prévisions trompées. Il allait demander des explications quand Mélanie entra, et aussitôt, le patient ferma les yeux. Ayant serré la main du docteur, elle demanda à Joseph comment le malade avait passé la nuit, ajoutant « Je n'ai pas entendu le moindre bruit. Un bon sommeil m'a fait grand bien. J'avoue que j'en avais besoin. » Le docteur était de plus en plus intrigué. Les deux jeunes gens jouaient-ils la comédie à sa barbe? Ou bien avait-il à constater un phénomène? Il entraîna Joseph et quand il eut appris la vérité, « Ne dites rien de tout cela, mademoiselle, c'est très important. »« Oh, monsieur, soyez sans crainte. » Joseph pouvait répondre de sa discrétion. Il aurait rendu des points à Miette, avec cette différence toutefois, que Miette était et paraissait gaie, tandis qu'il était sinon triste, du moins taciturne. La curiosité du docteur était piquée au vif, si bien qu'il ne retourna pas à Paris ce jour-là. Il trouva un prétexte pour éloigner tout le monde de la chambre pendant l'après-midi. « Julien, appela-t-il. Ah, c'est vous, docteur. Figurez-vous que j'ai peur de Mélanie. » Nous ne pouvions pas ne pas vous transporter ici. Possible, mais cela me gêne d'être son obligé. Son obligé. Il est vrai de dire que la pauvre fille rachète sa faute par un dévouement sans bornes. Que me conseillez-vous? D'abord de ne pas trop parler. Vous n'êtes pas encore assez fort. Ensuite de faire comme si vous trouviez tout naturel qu'elle soit auprès de vous. Bien. Maintenant, reposez-vous. Le docteur serra affectueusement la main du malade et sortit de la chambre tout à fait rassuré. Julien était extrêmement faible, mais il n'avait que très peu maigri. Depuis plusieurs jours déjà, on le nourrissait avec des consommés sans employer la sonde œsophagique. Le docteur jugea opportun d'augmenter les doses et même de lui donner en petite quantité des aliments solides et du vin. Le malade, qui poursuivait la réalisation d'un plan combiné dans son esprit, profita des continuelles nécessités du service pour parler devant Mélanie sans lui adresser directement la parole. D'abord, il appela deux ou trois fois Joseph. Mélanie était ravie par cette voix, mais Joseph n'était encore qu'une sorte de bégaiement. « Bientôt, j'ai soif, » dit-il. Ce fut la première phrase que la jeune fille entendit. Elle tressaillit. Son cœur battit avec violence. « Je vais vous apporter à boire, monsieur Julien, » dit-elle d'une voix mal assurée, et elle s'en fut chercher de la tisane. La tasse tremblait dans ses mains quand elle la rapporta. « Merci, » dit Julien, qui remarqua parfaitement ce tremblement. « Merci, mademoiselle, » redit-il en lui rendant la tasse, et il s'efforça de donner à sa voix des inflexions caressantes et à son regard un caractère affectueux. Mélanie entendit, mais n'osa pas regarder. Julien, ayant replacé sa tête dans l'attitude du repos, elle courut au docteur. Cette fois, il m'a parlé, et il m'a reconnu. Il m'a dit « Merci, mademoiselle ». Et, docteur, il n'avait pas l'air fâché. Seulement, a-t-il bien toute sa connaissance? Je n'ai pas oublié ce que vous m'avez dit l'autre jour. Et vous avez peur de vous tromper? Précisément. Rassurez-vous. Maintenant, la vie et l'intelligence sont revenus. Peut-être ne s'explique-t-il pas comment vous êtes là, mais vous savez bien qu'il n'avait pas de haine contre vous. Au surplus, « Voulez-vous que je lui demande ?» ajouta le malicieux docteur. « Oh non » fit-elle vivement. « Laissez-le s'accoutumer à me voir. Quand il sera plus fort, je lui demanderai pardon. » Le mot est gros. Lorsqu'on a failli tuer les gens, c'est bien le moins que l'on s'en excuse humblement. Soit, mais ne vous hâtez pas. Ces souvenirs tout récents amèneraient Julien à vous parler des motifs qui l'ont fait agir. Il faut écarter le plus longtemps possible les émotions, surtout de cette nature, pour vous aussi. « Ma chère enfant, car enfin... » Mélanie ne releva pas cette insinuation. Elle commençait à connaître les procédés du docteur. De plus, elle éprouvait en ce moment un sentiment de pudeur effarouché. Son malade s'était définitivement transformé en homme, et cet homme, elle n'était pas loin de s'avouer qu'elle l'aimait. L'impatience ardente qu'elle avait manifestée depuis le premier mouvement de Julien tomba et fit place à une vigilance discrète. Mélanie jusqu'alors s'était imposée. Elle se dissimula. Julien reprenait des forces rapidement et comme à vue d'œil. Pendant 3 jours, il s'habitua à parler avec Joseph, avec le docteur, avec Bonenfant, avec Arnold Barthes. Il n'échangeait que quelques paroles banales avec Mélanie, que cette apparente indifférence faisait cruellement souffrir, mais qui n'osait pas se plaindre. Sa seule consolation était de se sentir observée par le malade, dont elle avait surpris plusieurs fois le regard fixé sur elle. Que voulait-il? Que préméditait-il? C'était la situation de Mabi continuée. Mélanie agitait en elle-même la question de savoir si elle devait provoquer une explication. Elle n'en eut pas le courage. Julien ne la fit pas attendre trop longtemps. Le 4e jour, avant l'arrivée du docteur, il renvoya Joseph en lui recommandant de ne revenir qu'à son appel. La jeune fille crut que le malade voulait reposer. Elle se retirait, marchant sur la pointe des pieds. Elle s'arrêta net. « Mélanie » avait-elle entendu. Jusque-là, Julien lui avait toujours dit « Mademoiselle ». Son petit nom, prononcé inopinément et sur un ton de quasi-prière, résonna délicieusement dans son cœur. Vivement, elle revint vers la tête du lit. « Monsieur Julien ?» interrogea-t-elle. « Mélanie, vous voulez donc me tuer ?» La jeune fille chancela. Une vision sanglante obscurcit ses yeux. Elle tomba à 2 genoux. « Pardon » murmura-t-elle, et elle fondit en larmes. Julien avait usé de tous les ménagements dont une voix d'homme dispose pour articuler cette terrible phrase. Mélanie n'avait entendu que les mots. Elle était rejetée en plein drame. « Mélanie, ma chère Mélanie, répétait-il, ce n'est pas un reproche. Je ne vous accuse pas. Je sais combien vous avez été bonne et dévouée. Relevez-vous. Ne pleurez plus. Je le veux. » À ce mot, la jeune fille se dressa, superbe, les regards étincelants de joie à travers ses larmes. « Vous me pardonnez ? » demanda-t-elle, toute tremblante d'émotion. « Je vous pardonne ? Je vous pardonne et je vous remercie. Oui, je vous remercie, car ce que je voulais est arrivé. Monsieur Julien, Monsieur Julien, pouvais-je laisser se perdre une jeune fille que j'avais vue enfant ? C'eût été une lâcheté, presque un crime. Je suis largement récompensé. Croyez-vous que depuis que j'ai repris connaissance, je ne vous ai pas observé et étudié ? Vous m'avez dit, vous en souvenez-vous, vous m'avez dit, j'ai une âme. C'est vrai, et j'en suis convaincu, une belle âme. » Julien tendit la main à la jeune fille, qui la saisit avec transport. Les bonnes et affectueuses paroles que le patient lui adressait, elle les savourait comme une délectable harmonie. Mais il lui eût été impossible de prononcer un seul mot. Il reprit. « Vous m'avez dit beaucoup d'autres choses, moins exactes. Je vais vous les rappeler une seule fois, afin de n'en parler plus jamais. Grâce, soit. Je n'insiste pas. Dites-moi du moins, pourquoi vous avez inventé une histoire aussi odieuse que celle que vous m'avez racontée ?» Mélanie, dans un regard suppliant, adressa une si humble prière que Julien eut pitié. « Non, je ne vous interroge pas. Je vous sais vaillante et forte. Je sais que vous luttez énergiquement et que vous avez la ferme volonté d'être et de rester une honnête jeune fille, afin d'être une honnête femme. Croyez-vous donc que j'ai entrepris à la légère de vous retirer d'un milieu qui n'était pas le vôtre ? Vous vous croyez à l'abri des indiscrets, ici, loin de Paris ? Aucun de vos adorateurs ne s'était donné la peine de découvrir votre demeure. Je la connaissais depuis plusieurs semaines, et je savais exactement quelle était votre manière de vivre. Que vous êtes bon. Monsieur Bonenfant pourrait vous le dire. J'ai annoncé la veille que vous assisteriez au duel. Je ne supposais pas, cependant, que vous prendriez la place de mon premier adversaire. Monsieur Julien, êtes-vous bien convaincu, maintenant, que je puis vous pardonner et vous remercier ? Mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit dès le début qui vous êtes et ce que vous vouliez ? Vous ne m'auriez pas écouté. » Mélanie baissa la tête. « Mon nom m'opprime fatalement, » murmura-t-elle. « Je vous jure, » dit vivement Julien, qui avait entendu, « je vous jure que je n'ai jamais pensé à vous rendre solidaire, même dans la mesure la plus infime de faute dont vous êtes la première et la plus triste victime. Pour que vous ayez fui la maison maternelle, il faut que votre cœur ait été soumis à de bien cruelles épreuves. Peut-être avais-je été pour votre enfance une cause de douleur. J'ai voulu m'acquitter. » La jeune fille avait dominé son émotion et dompté sa timidité, avec une solennité un peu emphatique peut-être, mais en toute sincérité, elle fit ce serment. « Monsieur Julien, devant Dieu qui me voit et qui m'entend, je jure de régler désormais ma conduite sur vos conseils, d'après vos ordres. J'étais folle. Vous m'avez rendu la raison. La vanité me poussait à ma perte. Vous m'avez sauvé de moi-même. Je suis faible, vous êtes fort. J'étais cruel, vous êtes généreux. Disposez de moi. » S'étant ainsi consacrée à son sauveur, Mélanie répondit avec un admirable abandon à ses questions de tout à l'heure. Elle dit à quel sentiment de haine invétérée elle avait obéi. « Voyez, ajouta-t-elle, il n'y a plus trace du soufflet sur ma joue. Il n'y a plus dans mon cœur un atome de haine. Je suis heureuse. » Si Julien s'y était prêté, elle eût certainement fait l'aveu complet de son amour. Mais il eut soin, au contraire, de faire dévier le cours de ses confidences. Il était tourmenté par un souvenir qui l'obsédait. J'ai été l'amant de sa mère. Son rôle futur lui apparaissait avec des difficultés auxquelles il n'avait pas pensé. L'amour de Mélanie, amour qui se montrait naïvement, candide et comme inconscient, modifiait tout son plan de campagne. Leur poussée, c'eût été rejeter la jeune fille dans une nouvelle et plus redoutable agitation. L'encourager, il lui semblait que c'eût été une lâcheté. « Je ne veux pas être son amant, se disait-il, je ne puis pas être son mari. » Si bien que maître de l'entretien au début, il n'en avait plus la direction maintenant. Il attendait avec impatience que le docteur vînt le délivrer. Il n'osait même pas prétexter la fatigue. Ce malaise moral fut de courte durée. Ce n'avait été que l'émoi d'une conscience troublée par un dilemme dont Julien s'exagérait la rigueur. « Ni amant, ni mari, se disait-il. Ami, pensa-t-il, quand il fut sous le charme du gazouillement de la jeune fille. Ami. Entre hommes et femmes, l'amitié est presque toujours un leurre. Mais elle peut fort bien être un sentiment d'attente et servir de transition. Julien avait assez de calme et de sang-froid pour raisonner. Il avait de plus l'avantage de la maladie qui écartait tout élan de passion. L'amour qu'il inspirait, d'ailleurs, avait pour correctif et pour contrepoids la reconnaissance. Lorsque le docteur arriva, Julien avait pris un parti. Ramener Mélanie à sa mère, la remettre dans les conditions normales d'une jeune fille du monde et régler sa conduite sur la conduite de cette terrible femme. Il pressentait qu'il y avait là un redoutable inconnu, mais la situation dans laquelle il se trouvait nécessitait, croyait-il, l'effacement complet du passé. Le docteur n'était pas homme à ne pas deviner que le rapprochement des âmes s'était opéré. Mélanie nageait dans la béatitude. Julien était grave. Le serment de main de l'un et de l'autre fut pour lui une révélation. Il formula par la pensée les confidences qu'il allait inévitablement recevoir. Médiateur et conciliateur, il se borna à recommander la prudence au malade et affermir la jeune fille dans sa confiance, certain que l'incertitude et le doute l'eussent agitée et inquiétée. Que voulait-elle? Le pardon. Elle avait un pardon affectueux, cela devait suffire et suffisait à son bonheur. Aussi, avec quelle joie venait-elle s'asseoir auprès du lit? Avec quel attendrissement elle parlait de sa triste jeunesse qu'elle mettait en parallèle avec sa quiétude d'aujourd'hui? Elle avait des paroles émues pour plaindre sa mère de n'avoir pas su régler sa vie honnêtement. Julien était charmé. Il ne pouvait se lasser de comparer la mère, que ses souvenirs lui rappelaient hautaine, impérieuse, violente, et la fille, qu'il voyait si douce, si sensible et si tendre. Miracle de l'amour vrai. Ce contentement de cœur activa sa convalescence. Il put bientôt se lever et passer une heure dans un fauteuil près de la fenêtre ouverte. Ce fut une grande joie pour Mélanie. La fenêtre donnait sur le gymnase. « Vous avez vu sur mon théâtre ? » dit-elle gaiement. « Voulez-vous que je vous donne une représentation ?» Et sans attendre son assentiment, elle descendit au jardin, revêtit son costume et se mit au trapèze, faisant les voltiges les plus hardies et les plus savantes. Elle riait d'un bon rire d'enfant quand elle voyait Julien qui suivait ses exercices avec une attention étonnée. Ils passèrent ainsi quelques jours dans l'enchantement l'un de l'autre. Les visites de leurs amis donnaient plus de piquant à leur continuelle tête-à-tête qu'elles interrompaient à peine. Malheureusement, les événements qui se précipitaient devaient imprimer sur eux une violente secousse. L'armée française avait été livré dans une souricière à Sedan. L'Empire s'était évanoui au milieu de ce désastre, et le 4 septembre, Paris affolé proclamait la République. bon enfant avait assisté, suivant son habitude, à tous les incidents de la journée. Il avait vu les Parisiens s'amuser bruyamment à décrocher de toutes les devantures les armes impériales. Il avait vu les saturnales des boulevards, et la mort dans l'âme, il était arrivé à la villa des Trapèzes. Sa physionomie était bouleversée. « Qu'avez-vous donc ?» lui demanda Julien, croyant qu'il avait été victime de quelque accident. « Rien, » dit-il. Mais impuissant à contenir ses larmes, il sortit de la chambre, suivi par le docteur. Julien l'entendit qui disait en sanglotant. « Sedan, la République !»